Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, Stéphane Boucher, bon matin. Bon matin. Bon matin, au lendemain du spectacle. Comment ça a été hier soir? Ça a très bien été. Cabaret audio, cabaret première audio. Fois à Québec. Oui, cabaret audio. Nous autres, c'était la phase 1 d'un show qu'on est en train de monter qui s'appelle Self-Fosk, bruit personnel. Puis, tu sais, avec tous les volets technologiques de la chose, il y a un côté très embryonnaire de, sur ce versant-là en ce moment, mais on tenait à venir essayer ces choses-là. Donc, Québec nous a fourni cette porte-là. Elle venait faire, OK, on va rentrer ici, dans le nichoir, venez nous faire ça. Je ne sais pas combien de monde il va y avoir, mais faites ça là. Ben, personne ne nous connaissait, on ne s'attendait pas à avoir un... Mais il y en a eu. Mais il y avait du monde, puis on était bien contents. Puis l'organisation du festival est passée, nous on trouvait ça cool, parce que pour nous autres, c'est une prise de contact importante avec Québec, puis avec Recto Verso, puis avec le mot multi. C'était très bien reçu. Moi, je suis resté presque jusqu'à la fin. Là. J'avais les yeux qui craquaient à un moment donné. Mais j'ai parlé avec du monde dans la salle, puis les gens étaient très... très encouragé, très, très étonné de voir, de pas vous connaître, dans le fond, parce qu'on ne vous connaissait pas à Québec. C'est clair. Ouais, moi, je travaille sous mon nom personnel, puis je pousse pas vraiment l'autopromotion à mort. Fait que je suis pas vu comme une grosse machine, puis j'aime beaucoup ce statut-là, je te dirais. Okay. Je suis venu il y a pas longtemps, je suis venu jouer au Grand Théâtre avec Usually Beauty Fails de Frédéric Gervel, un chorégraphe pour qui je fais la musique depuis 10 ans. Puis j'ai joué ici avec des bands comme Basta en 97-98, Prix Miroir, je pense qu'on avait gagné. Hey, gros, des médailles pour la musique, c'est toujours quand même assez grand. Oui. Mais ouais, non, c'est ça, je suis passé souvent à Québec. Mais la formation... Cette formation-là, en fait, c'est une création très spontanée, cette chose-là. Moi, j'ai réfléchi à la proposition de Christian et du festival pendant quelques mois. Puis là, le dernier mois, on l'a passé à faire une mise en action. J'ai choisi un ami... photographe et architecte, Steve Monti, pour le contenu, parce que j'aime beaucoup sa facture visuelle. Puis, il comprend rapidement quand on jase. Puis lui c'est ça, étant architecte lui-même, donc il a pu participer beaucoup à Céno. Puis à l'assemblage sonore, puis à l'envoi en direct, à l'assemblage vidéo, puis à l'envoi en direct de la vidéo. Puis, Jean-Sébastien Nicole, un pote que j'ai rencontré aussi dans la petite communauté des synthétiseurs modulaires à Montréal. C'est des tripeux de machines analogues, des gens qui ont envie de s'éloigner un peu du computer. Puis qui font du noise, oui, mais aussi, tu sais, on tend vers l'harmonie pareil, etc. Donc, ces gens-là, j'ai rapidement trouvé qu'on se ressemblait puis qu'on pouvait se comprendre. Puis je leur ai demandé de publier leur avis sur Self-Fosk, bruit personnel. Fait que j'ai comme émis mon idée clairement. J'ai dit, venez émettre votre constat par rapport à ça. Puis on a travaillé de pair avec un Dropbox entre les trois, puis à s'envoyer des images, de l'audiovisuel. Puis on créait tous du visuel. Puis on a impliqué un autre photographe, André Bourdon aussi, qui a envoyé du contenu. Puis... Tout de suite, une fois que t'as pris ça, les années-lumière, c'est divin. y a du texte aussi. Il y a du texte aussi. Tu sais, c'est pas juste de la musique. Il y a beaucoup de paroles, puis il y a des paroles sensées. On sent qu'il y a un parolier derrière ça. Bien, je dois dire que c'est ça qui m'a fait accepter. Tu sais, j'ai commencé avec un sentiment d'imposture quand Christian m'a parlé de ça, parce que je me considère pas. Tu sais, on se fait une image de nous-mêmes, veut pas, mm-hmm. à se dire est-ce que je suis un artiste multi ou pas. Je veux dire, la technologie, je travaille avec depuis longtemps, puis ça m'intéresse, puis tout, mais je me suis jamais ramassé dans ces milieux-là, vraiment, t'sais. Parce que ça reste que c'est des microclimats, c'est des milieux, hein, je veux dire. Puis finalement, je me suis posé la question, mais moi, je suis multi, tu sais, je veux dire. Puis je me suis mis à regarder ce que je fais, puis oui, tu sais, mais je suis pas juste multi-technologique dans le sens que c'est, tu sais, je travaille de l'image, je travaille du son par voie électronique, mais je fais du texte aussi, j'ai fait de l'impro beaucoup avec la LNI, la LIM, les cravates, des petites ligues d'impro. Fait que j'ai du stage. Je me suis dit, OK, non, je suis multimédia, mais c'est comme peut-être pas dans la, je me vois pas comme un électroacousticien ou comme un, puis je pense pas que c'est juste des électroacousticiens non plus, mm-hmm. mais je veux dire, je me vois pas comme un pointu du langage, dans le sens qu'à un moment donné, tu te consacres à la fine pointe dans un langage, puis tu publies des constats de fine pointe. Moi, je pense pas que ça, pour moi, la fine pointe là-dedans, elle réside probablement dans les technologies de spectacle. Parce que moi, c'est ça que je discute. C'est comment rendre ça live. Tout ce stuff qui nous mm-hmm. vient, tu sais, qui est très obtus, qui s'adresse à notre milieu simplement aussi. Tu fais un show de danse contemporaine, il y a du monde. Le milieu de la danse contemporaine est là. Tu fais un show de théâtre, le milieu de théâtre est là. Bon, OK, moi, je vais ouvrir ça un petit peu, puis je veux rendre ça plus sucré, plus pop, tu sais, mélodique par bout, même faire des chansons, tu sais, puis faire, OK, regarde, on fait des chansons au sein de ce maelstrom de noise parce que je suis cette espèce de paradoxe qui veut être habité des deux, tu sais, de l'abstrait puis du concret en même temps. Te sens-tu détenu en toi-même? Crois-tu qu'il soit possible d'échapper aux règles de l'être? Dis-moi comment. As-tu l'impression de cadrer dans la multiplicité? Y a-t-il une utilité au mensonge? Sens-tu confiné dans un système impersonnel? Une machine totalisante de type classe, nation, caste ou religion? Le corps physique, dans sa forme actuelle, est-il menacé? Le langage, qu'en est-il? Quelle place occupe l'onanisme dans ta vie? L'onanisme. Crois-tu qu'il faille être aussi indulgent avec soi-même qu'avec les autres? Pour toi, qu'est-ce qui est factice? Comment réagis-tu devant la vacuité? Comment réagis-tu devant la vacuité? Quelle est la valeur du bruit? Pour quelle stratégie opterais-tu pour obtenir une relation viable entre l'individu et l'altérité? Vois-tu une forme de pollution par le soi au sein de notre monde occidental? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Parle-moi de ton versant pulsionnel. Sexe. Autodestruction. perversité. As-tu parfois l'impression d'agir contre ta volonté? Quel est ton pattern psychique? Ta chimère principale? Si tu devais te présenter toi et ta vie, que dirais-tu? Raconte. Un rêve récurrent. Des pulsions refoulées. Quelle santé complexe physique? À part toi-même, qui aimerais-tu être? Dans un banquet cannibale, qui mangerais-tu? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Comment aimerais-tu mourir? Raconte un son bien intéressant. C'est ça, un peu lâcher l'eau en arrière de notre étoile, ici, 3-4 dudes qui font un peu ce qui lui passe par la tête. J'espère que ça va faire la job. J'espère parce que pour nous autres, ça fait la job. Ça fait la job. J'espère que ça va faire la job. Raconte un souvenir très ancien. Connais-tu bien la peur? La peur. À quoi sert-elle? Doing. les autres. À quoi servent les autres? À quoi servent les autres? Salut Stéphane, dis-moi, Christian Lapointe était celui qu'on avait mandaté pour trouver des artistes sonores. Mm-hmm. Comme j'expliquais hier vaguement pendant le spectacle, je me suis demandé au début, voyons Christian, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais travaillé avec Christian. En fait, on s'est croisés sur un spectacle qui est monté à Montréal. C'est juste ce qu'il m'a dit. Je suis OK, man. Tu veux m'entendre? Fait que ça m'a, j'ai brassé l'idée, j'ai beaucoup, la thématique m'a beaucoup aidé parce que j'ai comme il faut focusser les idées. Fait qu'une thématique, c'est intéressant pour ça. Réfléchis à ça, poigner deux d'autres, je suis venu le faire. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que. Ben, Christian n'est pas passé, mais j'ai hâte de voir si le. Parce que moi, je pense que c'est un contact qu'il essaie d'établir. T'sais, moi, je pense qu'il voulait me lancer. Il s'est venu faire comme, hey, regardez, Stéphane Boucher, je le connais, mais, lui, c'est un autre versant du. Mais Stéphane, est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste audio? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est beaucoup plus complexe ben, que ça? Oui, ben, je ne sais pas, ça dépend de la définition que vous faites de cette épithète. Mais moi, je travaille avec l'audio, c'est clair. Je travaille avec le son à l'état brut même. T'sais, je veux dire, je cherche... Il y a l'harmonie, je me libère de l'harmonie. J'ai étudié en musique, en jazz. Mm-hmm. Puis, je passe mes nuits à me libérer de ça parce que c'est le versant sonore qui m'intéresse. Mm-hmm. Même dans l'harmonie. Mais je veux dire, pour moi, c'est une facette du son, l'harmonie. Mm-hmm. Fait que oui, le son, oui, c'est clair. Mais les mots ont un sens aussi. Oui, mais je travaille les mots. Parce que la parole est importante. Dans ton spectacle d'hier, il y avait des chansons, il y avait des textes qui étaient puissants puis qui étaient super bien envoyés. Donc, la parole est importante aussi. Sans vouloir m'auto-définir trop, j'ai un aspect songwriter. Je veux dire, j'écris beaucoup de chansons. J'écris des chansons, puis même quand je fais parce que je crois beaucoup à la chanson juxtaposée à des médiums comme la danse, comme le cirque, parce que, tu sais, il n'y a pas de présence verbale à protéger. C'est ce qui fait que j'aime mieux travailler, à la limite, avec ces médiums-là, parce que tu peux en envoyer du texte, puis, tu sais, sans dire exactement la même chose que le tableau. On a besoin de se faire raconter une histoire, des fois, par des médiums nouveaux, je trouve. Mm-hmm. Ça m'intéresse, cette voix-là. Je viens de faire une leçon pour une application interactive avec l'ONF, qui s'appelle « Le cancer du temps ». Vous essayez de voir ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça, il y a de ça là-dedans aussi. Le cancer du temps? Oui. C'est comme cette espèce d'incapacité à ne rien faire. Ben oui. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une application sur un téléphone. Fait que t'as le nez sur le téléphone pour lui. Fait qu'il y a un paradoxe. Mais c'est excellent. C'était drôle. Ça dure 10 minutes. Allez essayer ça. Le cancer du temps, c'est gratuit en plus. C'est l'ONF. Donc, peux-tu nous présenter une des pièces que vous avez présentées hier soir? Qu'on pourrait entendre, qu'on pourrait faire entendre aux auditeurs? C'est de la musique improvisée. OK. C'est de la musique improvisée. Moi, je rêve d'une forme, plus folle pour publier des chansons live. C'est-à-dire, non pas le background musical qui se prépare à accompagner une chanson, mais bien un background qui est là et qui est très vivant, puis le chanteur qui continue d'être conscient parce qu'il participe à la musique puis qui se sculpte une voix manée là-dedans pour chanter son texte. Donc, tu ne le chantes jamais pareil. Fait que présenter les chansons, c'est ça, c'était une impro hier. Ben, ce qu'on va faire, on va en écouter un extrait tout simplement. Bien sûr. On y va. Bien entendu, les thématiques abordées par ces textes-là. Il y avait le zombri, qui était comme... Le zombri qui est le zombie... Oui, le zombie nombri, l'égocentré. Le zombie qui voulait la nuit juste pour lui. Oui. En fait, mais qui se fait torturer par des ados sur une chaise à la fin de la toune. Mais ce texte-là, c'est ça, pour moi, c'est le corps désastre, c'est le corps lourd. Mm-hmm. Tu sais, cette espèce... Le wetware, comme on dit des fois, ironiquement presque. Tu sais, le wetware, je m'amusais à parler de science-fiction un peu, veux pas, puis à... à poser des questions sur la désuétude possible du corps. Puis moi, je trouve ça intéressant qu'une tête de marionnette se pose cette question-là. Puis je trouve ça drôle parce que j'ai 48 ans, fait que je me pose cette question-là aussi, oui. veux pas. Ben je ne me sens pas faiblir encore, mais tu le vois venir. Puis, fait que cette espèce, la désuétude du corps. Donc, le zombie, c'était beaucoup ça. Tout comme Mobile Suit, qui est comme le robot, le genre de. Les Mobile Suit, le japonais, des hommes qui pilotent des corps plus grands qu'eux. Mm-hmm. Le surmoi, pas le surmoi, mais en fait, le sur-soi, limite. Bien sûr. Ouais, mm-hmm. c'est ça. Cette espèce d'armure plus grande que nature, mais tu sais, comme en même temps, le personnage est comme enfermé dans une carapace drue, puis c'est comme une prison. Mm-hmm. C'est la prison du soi aussi. Mm-hmm. Fait que ça, toutes ces thématiques-là, j'ai essayé de les aborder avec ces textes-là hier. Puis il y a une marionnette. Oui. Elle fait quoi, la marionnette? Non, disons, c'est ça, moi, ce que je trouve drôle, c'est d'utiliser... C'est une tête de marionnette. En fait, c'est une marionnette que j'ai trouvée dans un magasin d'escompte à Montréal, puis elle est vieille, là. C'est une affaire des années 40, puis moi, je trouve qu'elle a un charisme. Mm. Je veux dire, tu la photographies, tu la filmes, tu la regardes, cette marionnette-là, c'est un acteur. C'est un Robert Redford, là. Puis il a vécu. Tu sais, un Robert Redford avec le vécu de Robert De Niro, tu sais. C'est ça. Qui est tout coupaillé. Boxeur. Son corps est rempli de paille. Tu sais, il y a un petit bras en porcelaine, là, genre, puis le reste est en paille. D'ailleurs, j'ai fait des genres de stop motion que j'ai pas publié hier, où c'est juste le corps qui se vide de son foin, tu sais. Mais c'est cette marionnette-là, il fallait que je fasse de quoi avec. C'est comme quelqu'un qui se découvre une Isabella Gianni, tu sais, puis qui fait comme, oh my god, c'est ma muse. Mais moi, lui, c'est mon mu. Fait que lui, je sais que je mettais en tête juste un soc, puis il bouge pas, mais tout lui arrive autour parce que c'est sa pensée. Là. C'est son corps est condamné, c'est parce qu'il est coupé de son corps. Mais il s'est libéré de son corps, en fait, dans ce show-là. C'est comme ce que j'aimerais illustrer rapidement un moment donné, là, c'est qu'il l'a quitté. T'sais. Il laisse traîner en terre le foin, puis lui, il est là avec sa tête, puis il juste réfléchir. C'est drôle parce que tu n'y as pas fait allusion souvent à cette marionnette-là dans le spectacle hier. Elle était là, on la voyait, mais. On se demandait un peu ce qu'elle faisait là, puis t'as vraiment pas fait référence à la marionnette. Pas trop, tu sais, justement, parce que c'est un spectacle qu'on voyait un peu auto-inclusif, puis que ça se passait dans... C'est comme le mouvement mental, ce dialogue intérieur de la marionnette. Donc, elle n'a pas besoin du public à la limite. Elle se publie une affaire en pleine face, elle se regarde par toutes ces caméras-là, et ça, ces jeux de miroir, etc. Fait que, tu sais, il n'y a pas besoin de s'expliquer. Ouais, puis vous vous auto-filmiez aussi. On s'auto-filme, on s'injecte, on filme l'écran qui publie aussi. Donc, c'est comme toujours des loops. Puis, nous autres, on prend une petite absence de l'exécutant là-dedans. On veut pas, tu sais. On est là. On est là en tabarnouche, mais il y a un voile. Fait qu'on n'est comme pas là. Fait qu'on prend cette absence-là, donc de l'installation, un peu, d'une certaine manière. Thank you. Vous travaillez les trois ensemble là-dessus? On a installé une version miniature chez nous, dans mon studio, puis on a travaillé, déjà on a fait des injections de visuels là, à peu près à 3 semaines, les premières, mais tu sais, on a commencé à jammer ensemble. Parce que Steve, c'est un photographe, c'est un architecte, mais c'est pas un VJ, là. Mm-hmm. Lui, il s'est attaqué à Resolume, tu sais, qui est un logiciel d'envoi de VJ, mais il l'a traité à sa manière, tu sais, avec son angle photographique, donc son footage, c'est lui qui le génère, puis moi, j'y génère. On a généré tous les deux beaucoup de matos avec les marionnettes elles-mêmes, tu sais, beaucoup de niaisage, de logiciels super pop à la limite, tu sais. Moi, j'anime les marionnettes avec un logiciel qui s'appelle Crazy Talk, qui est super comme niaiseux, tu sais. Sauf que quand tu mets du contenu dans des affaires de même, ça pogne une coche. Puis il y a comme j'ai un logiciel, tu sais, où je fais danser la tête du bonhomme carnaval, d'ailleurs, c'est assez crampant. Il danse sur du rock de même, puis il bang la tête. Bref, oui, tout le monde, on a travaillé de pair. Moi, j'ai créé la mythologie de cette affaire-là, la Bible, si on veut, du projet. Puis après ça, on a comme ces gens-là ont surfé avec leur avis personnel là-dessus. On sent beaucoup d'influence dans votre travail. Bon, dans le travail sonore, évidemment, il y a cette ambiance qu'on retrouve dans l'art sonore plus généralement, avec des expérimentations liées aux machines. Mais dans le travail visuel, il y a tout de même des références importantes à l'histoire de l'art. Je pense à Hans Bellmer, entre autres, qui a fait des poupées. Et il y a une image que j'ai trouvée assez splendide, c'est des autoportraits où on vous retrouve à côté d'un miroir et on voit le trépied de l'appareil dans le miroir. Ça me fait penser à une œuvre de Michael Snow. J'aimerais ça vous entendre un peu sur votre manière de travailler. Ben, ce volet-là, tu vois, ça, c'est le volet à Steve. Parce que ça, moi, je tenais vraiment à ce que les gens amènent leur monde personnel là-bas. Parce que c'était ça. Par définition, il fallait que ça soit un collectif avec des individus hyper irrigués. Fait que Steve, j'ai dit, vas-y, man, amène ta shit. Ça, c'est la shit à Steve, ça. Ça, c'est son trip parce que j'avais spoté ça. C'est cette espèce de narcissique où il se fait des photos avec 16 versions de lui-même. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'en live, de même, on met des arpégiateurs là-dessus. Fait qu'en tempo, on se tape le tempo, puis là, on met l'arpégiateur, mais c'est des images et non des sons. Puis là, c'est comme son soi qui scintille à l'écran. Mais pour les références, d'où il vient avec ça, ça, faudrait vous demander à Steve. J'aurais dû l'amener parce qu'il a, il a participé à l'univers visuel. If you ask me, brown tears. If you ask me, crystal's gone mad, leaving this outpouring loud. Champagne by the pint, crying out loud, heartbroken lad. A very sour soup to spill. Brown tears if you ask me. Brown tears if you ask me. Brown tears if you ask me. Brown tears if you ask me. Mais il y a les, je dirais que pour finir l'aventure des influences, moi j'ai été très influencé par les Brothers Quay. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des frères qui font de l'animation. C'est des élèves dans le fond de Sven Meyer. Mais en fait, ils l'ont consulté, parce que je ne pense plus qu'ils enseignaient quand ils sont allés le voir, mais ces gars-là, c'est des cinglés de l'animation, les Brothers Quay, là, c'est fou ce qu'ils ont fait. Fait que Sven Meyer, eux autres, puis tout le mouvement du stop-motion, en fait. Cette espèce de trip-là, c'est là-dedans pour moi, là, au niveau de la facture visuelle, mais aussi l'imagerie de propagande russe ou communiste, du rouge avec une face centrée, puis qui scande des affaires, tu sais, qui scandent le soi, en fait. C'est que, donc, moi, je trouvais qu'il y avait un paradoxe. C'est paradoxal, pas mal, scander le soi. Oui, de l'imagerie communiste pour scander le soi. Enfin, pour moi, il y a une solution d'avenir là-dedans. C'est ce qui se passe à Cuba ces temps-ci, d'ailleurs. Peut-être, voilà. En tout cas, c'est fort intéressant. Hier soir, il y avait une énergie dans votre spectacle qui semblait inépuisable, parce que moi, j'ai quitté, il était rendu quand même assez avancé, puis vous n'aviez pas l'air du tout de ralentir. On est dur à débarquer de là, je veux dire. Hier, c'est bien parce qu'on était fatigué, on a juste fait 2h30, là, mais habituellement, là, on pourrait y aller pour 4h sur une affaire la même, là, ça, c'est sûr. Mais notre but étant de rapper ça dans une forme plus courte. Mais là, pour l'instant, les transitions, on veut prendre notre temps. On travaille avec des modulaires, on patch live. C'est-à-dire que, excusez-moi, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce que je dis. Je suis Montréalais très assumé, puis je suis très il y a beaucoup d'anglicisme dans mon langage. Mais je m'en excuse pas, mais bon... Ça fait partie du langage aussi. Là. C'est ça. Mais bref, de toute cette idée de brancher, de se faire un patch live, là, ça, c'était peurant. Ça, c'est une chose que je vois pas beaucoup dans la communauté modulaire. T'sais, les gens, ils se préparent un patch pendant une heure et demie avant, puis après ça, ils nous jouent 3-4 affaires qui marchent là-dedans. Mais là, nous autres, on patche, puis des fois, on dépatche tout. En là, direct. On recommence, là, puis on laisse un oscillateur qui fait... là, on s'en va, là, qui tel texte. On se dit quel texte on s'en va, là, tout le monde, bon, là, OK, ça... Puis là, on suit le flow. Fait que, oui. Mais il y a quelque chose dans ce que vous faites qui vous est comme propre, comme si, dans le fond, il n'y aurait pas de spectateurs, ce ne serait pas grave. Non, c'est ça. Ouais. On a l'impression que vous jouez pour le plaisir de jouer entre vous. Carrément. Vous... Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a un écran devant vous. Vous ne voyez pas, puis vous faites vos affaires, vous plug n'importe quoi, puis vous avez un plaisir fou à le faire. Puis il n'y aurait pas de public, d'ailleurs, c'est quasiment ce qui s'est passé à la fin hier. Et ce ne serait pas grave. Exactement. T'sais. Non, non, c'était ça, pour moi, c'était ça le défi dans cette affaire-là. C'était quand je disais que je voulais tenter de provoquer le bruit personnel. C'était ça que je disais. C'est ce qu'on vit, nous autres, dans nos jams nocturnes chez nous, quand on fait juste improviser, puis pas réfléchir, là, hey, ça va-tu plaire à mon milieu, ça va-tu plaire à la fine pointe, ça va-tu plaire à mes parents, ça va-tu plaire à qui, tu sais, ça va plaire à qui. Là, non, on s'en fout à qui ça va plaire. Ça nous plaît, nous autres, on essaye avec ça, on aime ça. Fait que ça, donc, à partir de là, la métaphore, pour moi, de la marionnette est débarquée. De faire comment... le spectacle peut s'adresser à l'exécutant le plus possible. Donc, on s'est amené un système de son pour nous, donc qui était pointé vers nous. Puis la marionnette était dans sa boîte. On ne la voyait pas vraiment, à part par le biais des caméras ou en squeezant le coup dessus la maquette. Puis elle, c'est elle qui projette ses images, d'ailleurs, sur l'écran. Puis elle se regarde dans un téléphone qui la filme, puis elle se publie sur l'écran. Alors, on parle d'une masturbation ici, naturellement. Mais en fait, c'est de bonifier le mot masturbation. D'ailleurs, il y a une des questions dans le questionnaire qui roule à un moment donné qui dit « Quelle est ta position face à l'onanisme? » ou « Quelle place occupe l'onanisme dans ta vie? » le plus de place possible, ma foi. Puis c'est un onanisme esthétique, là, dans ce cas-là. Ben en tout cas, Steve, Stéphane... Stéphane Harper! En tout cas, Stéphane, nous, ça nous a beaucoup plu hier. On s'est vraiment amusé à votre show, puis j'espère que vous allez revenir bientôt au Québec. Merci. Merci à toi. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.